Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission enregistrée un peu plus tôt dans la semaine. Voilà, toujours du contenu inédit, mais cependant, on n'est pas en direct des studios de Radio Béton. À noter que le dimanche 18 septembre, ce sera le retour de l'émission en direct. Voilà, on se fera une émission un peu spécial, avec du contenu renouvelé, des focus, etc., etc., puisque là, nous serons en direct du bocal. Dans l'émission de ce soir, toujours plein de très bonnes choses à s'écouter, pas mal de groupes qui accusent la trentaine d'années, et puis autour du 12-15e album studio de sortie. On attaque avec deux groupes vétérans dans deux styles différents, Megadeth et Krishun. Megadeth, le groupe de thrash californien qui sort son nouvel album studio The Sick, The Dying and The Dead. Une sortie, ma foi, plutôt efficace dans le clan Megadeth, avec un line-up absolument incroyable, puisque là, pour l'occasion, se sont réunis autour de Sieur Mustaine, toujours Kiko Loureiro. Dirk Verbeuren qui tape là sur son premier album studio, je crois, d'un Megadeth, après avoir fait pas mal de sessions live. Et puis du coup, après avoir viré Ellefson, et bien c'est tout simplement Monsieur Steve DiGiorgio qui vient poser ses lignes de basse. Voilà, en session studio. 16e album pour Megadeth, là pour le coup ils approchent les 40 ans d'existence. On s'écoutera le titre Life in Hell. Et Krishun qui sort un très très gros Mortem Solis, un peu moins redondant que les deux précédents albums. Là voilà, ça reste toujours frontal et efficace, le trio brésilien de death metal. Century Media, c'est leur écurie. Et on s'écoute le morceau Tomb of the Nameless. Bienvenue dans l'émission, et c'est parti. Caught red-handed again. You can't be trusted. Born to lose, you'll never win. You're so corrupted. You stand as far as condemned. So maladjusted to the world we're living and dying in. Spy versus spy. You never have fans you tonight. The truth of where you've been, you get caught. And then the blame game begins. A couple drinks, and then you'll feel okay. A couple pills, makes the world go away. What the hell, you're gonna die anyway. And you'll say, I'm a disease, and I'm addicted to myself. I'm all I need, I'm gonna live and die in hell. It's over and over, you just couldn't resist. A couple drinks, and then you'll feel okay. A couple pills, makes the world go away. What the hell, you're gonna die anyway. And you'll say, I'm a disease, and I'm addicted to myself. I'm all I need, I'm gonna live and die in. Judgment's waiting. It's the end of the line. Doublette suivante, doublette austro-allemande avec tout d'abord les Autrichiens de Belphégor, le groupe de Black Death qui nous sort un très très bon The Devils. Belphégor, on connaît bien la recette du groupe qui est revenu en grande forme ces 10 dernières années, on va dire, avec notamment un retour bien efficace sur les planches en live après l'opération de la gorge et une perte de voix de Helmut. Voilà, la formation autrichienne est revenue vraiment en très très grande forme et sort bons albums sur bons albums, sans que ça soit révolutionnaire. On est loin des Pestelfel Apocalypse ou autres. Tubesque Lucifer Incestus. Voilà, The Devils reste un très bon album de Belphégor, une sortie Nuclear Blast. On s'écoutera le morceau Damnation Hohensturz. Et une autre sortie Nuclear Blast, les vétérans allemands de Blind Guardian, le groupe de Heavy Epic Power même, nous sort The God Machine. On s'écoute le titre Blood of the Elves, et là on est sur un album vraiment de nouveau axé sur l'épique guitare, et non plus sur le contemplatif orchestral comme le précédent album de 2019. C'est parti. Nimodun Group, ils étaient faits pour s'entendre entre les verts pourrissants et les décharges municipales, Wormrot Municipal Waste, la doublette venue de l'ouest et de l'est, Wormrot qui nous sort un album de grindcore plus ultra qualitatif une fois de plus. Allez, il y a presque à parier qu'il y aura minimum un focus, minimum un spotlight, sinon un focus sur cette nouvelle sortie studio, parce que je sais que ça fait partie de ces petits groupes de grindcore qui font frétiller l'ami Thibaut. Ce nouvel effort studio s'intitule Is, il est sorti chez Erech Records, à savoir que le groupe est actuellement en recherche d'un nouveau vocaliste. Municipal Waste, ensuite le groupe de Party Crossover qui nous vient des États-Unis. Electrified Brain, la recette est la même, des morceaux courts, efficaces. Voilà, pour le groupe de trash crossover Rikin, une sortie également Nuclear Blast. On s'écoutera le morceau Demoralizer. C'est parti, Wormrot Municipal Waste. Come on! compris, une doublette extrême, une doublette eh bien, également orientalo-américaine avec tout d'abord SIG, ce groupe de, allez, on va dire, black metal avant-gardiste japonais. Et encore avant-gardiste, ça c'était avant, puisque le groupe nous fait du black assez épique, avec des guitares très très très orientées heavy metal. Et bras dessous, on retrouve des orchestrations, du piano, du saxo, des parties vraiment black doom, des parties black trash. Voilà, c'est vraiment du black ultra riche, ce que nous fait SIG. Et Erratum, Conan, qui nous vient ensuite, je les voyais ricains, non, ils sont anglais, donc une doublette britannico-japonaise. Conan, donc Evidence of Immortality, la nouvelle sortie du groupe de Doomstoner, avec des parties où même il y a du blast. Voilà, une sortie Napalm Records, et on s'écoutera le morceau Levitation Hawks, et juste avant ça, donc SIG avec le morceau Shikabane, extrait du nouvel Elfort Shiki, sorti sur le label anglais Pizzuil Records. Tout se rejoint. Retour d'une doublette de violence avec Organic Tommy, le groupe de Brutal Slam Deluxe Austral, qui sort son nouvel effort studio Nail Below Nail, une sortie Unique Leader, encore un palier de franchi pour la formation Organic Tommy. Le titre de ce soir, c'est un duo Breeding Chaos avec le vocaliste Larry Wang, vocaliste complètement barjo du groupe de Slam Grind Fatuous Ramp, qui nous vient de Taïwan. Voilà, l'occasion de redécouvrir les énormes capacités vocales de ce vocaliste avec ce feat qui colle à merveille pour Organic Tommy. Et ensuite les Danois de Exis, le groupe de Blackening Hardcore Sludge, notamment connu pour ses tournées marathoniennes et puis l'efficacité de sa musique. Exis sort Aeternum chez DBM Morty Production. Dans une paire de semaines, il lance du coup une nouvelle tournée mondiale européenne, avec à chaque fois plus de 40 dates d'affilée. Et le titre de ce soir, ce sera le morceau Captivus. C'est parti. We'll be right back. Vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est encore ensemble pour une émission en différé, enregistrée un peu plus tôt dans la semaine, mais toujours pour vous proposer du contenu inédit et original. Nous voilà prêts à entrer dans l'aspect française, avec la première doublette 100% hexagonale, Mourir Sacral Night. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux formations? Eh bien, Mourir, ça nous vient de Toulouse. On est sur du black assez dérangé et dérangeant, un petit peu comme leur comparse de Plebeian Grandstand. Dedans, on retrouve un petit peu de hardcore, un petit peu de sludge, mais c'est vraiment une grosse dominante black ultra frontale, agressive et négative. Le black est rarement positif, on dirait. Et le lien se fait avec Plebeian, puisque le vocaliste-guitariste de Mourir n'est autre que le bassiste de Plebeian Grandstand. Voilà, toujours des sorties de très très grande qualité du côté de Mourir. Et ensuite, Sacral Night, groupe de Heavy, qui nous vient de Grenoble, actif depuis 5-6 ans maintenant. Ils sortent là leur second album studio, il y a eu un EP entre-temps. Lui vit bien kitschouille, juste comme il faut, chanté en français, avec au niveau du line-up, du talent, puisqu'on retrouve des actuels et anciens membres de Necrowretch, Manzer, Auriac ou même Régiment. Voilà, le métal extrême est jamais très loin, mais on est quand même sur une grosse base bien heavy tradi. Mourir, que de chemin minable, extrait de l'album Disgrâce, une sortie SrotRunner Record, Sacral Night, le diadème d'argent. Le titre de l'album, sorti sur label No Remorse Records. C'est parti. pour la suite, eh bien, on est un petit peu musicalement proche de ce que peut nous proposer un Exis, mais à la sauce française, puisque nous avons des très très bons Rouennais de Pilori. Ils sortent là, j'ai presque envie de dire déjà, mais en même temps c'est tellement cool qu'on va pas s'en plaindre, un nouvel effort studio intitulé « Quand bien même l'enfer et le déluge s'abattraient sur nous ». On est toujours sur du black crust, grind hardcore, agressif, son frontal et extrêmement efficace. L'album sort sur une multitude de labels pour encaisser un peu tous les supports et surtout la distribution à l'international. Il est déjà dispo et on va s'écouter le titre de Guerre Lasse. Et en doublette avec eux, nous aurons les Clissonnés de Mormibion, groupe de pirate metal un peu heavy épique, un peu folk également, qui nous sort un, à mon goût, surprenamment de Sharif Dansila. Parce que c'est pas forcément le groupe sur lequel je me serais arrêté dans le terme pirate metal. Mais ma foi, ça fait le job et ça le fait vraiment très bien. Puis je trouve que les textes sont plutôt fun à écouter parce que c'est chanté en français. C'est très intelligible. Et bah, je dirais pas que c'est intelligent parce que ça parle quand même de piraterie. Mais voilà, je trouve que la plume est plutôt intéressante. Et on s'écoutera le morceau Singapour, l'odeur de la poudre. Pilori Mormibon, c'est parti.